Le soleil de Marseille, c'est des gens différents qui s'entendent à merveille, de la Treille au Merlan. Sur les plages au Prado, on s'amuse au ballon à 25 contre 30 de tous les horizons. Les prénoms des minots, ils sont si mélangés qu'on croit que la devise y est diversité. Le soleil de Marseille, c'est des gens différents qui s'entendent à merveille, de la Treille au Merlan. Marius et Karima veulent se marier, leur petit devrait naître au joli mois de mai. Pour l'instant, leurs familles ne se connaissent pas, ils les ont invités pour boire un pastaga. Le soleil de Marseille, c'est des gens différents, qui s'entendent à merveille, depuis la Treille jusqu'au Merlan. Bien sûr, il y a des fadas qui s'engagent méchants parce qu'un tel est pédé ou un autre est dorant. Des couillons, il y en a de partout sur la terre. À Marseille, le soleil est parfois en hiver. Le soleil de Marseille, c'est des gens différents qui s'entendent à merveille, de la Treille au Merlan. Le soleil de Marseille, c'est des gens différents. Marseille s'éveille sous le soleil.